Le faux messie. La signification du terme messie. Abu Abdillah al-Qurtubi, rahimahullah, cita 23 avis concernant l'étymologie de ce terme. Et l'auteur d'Al-Qamous les fit parvenir à 50 avis. C'est un terme utilisé pour désigner le véridique et l'égaré, le menteur. Le messie Isa ibn Maryam alayhi salam est le véridique et le faux messie est l'égaré et le menteur. Allah azawajal a donc créé les deux messies dont l'un est l'opposé de l'autre. Isa est le messie de la guidance, il guérissait le muet et le lépreux et ressuscitait les morts avec la permission d'Allah. Le faux messie, qu'Allah le maudisse, est le messie de l'égarement. Il troublera les gens avec ce qu'il recevra comme signe, tel que faire tomber la pluie, faire pousser la végétation et d'autres actes extraordinaires. On l'appelle aussi messie, Masih, car l'un de ses yeux est effacé, Mamsouh, ou bien parce qu'il parcourra, Yamsah, la terre en 40 jours. Le premier avis est le plus fort, vu ce qui est cité dans un hadith. Certes, le faux messie a un œil effacé. Mamsouh. La signification du terme faux. Le Dajjal est le trompeur, le menteur et l'auteur de supercherie. Le terme Dajjal est devenu distinctif du messie, borgne et menteur. Si l'on dit donc Ad-Dajjal, nul autre que lui ne vient à l'esprit. On l'appelle ainsi car il masque la vérité par le faux. Ou bien il masque aux gens son incroyance par ses mensonges et ses tromperies. Et Allah Azawajal est plus savant. La description du faux messie et les ahadiths qui y sont relatifs. Le faux messie est un humain. De nombreuses descriptions de lui ont été faites dans les ahadiths afin que les gens le reconnaissent et pour les mettre en garde contre son mal. Ainsi, au moment de son apparition, les croyants le reconnaîtront et ne seront pas troublés par lui. Ils auront connaissance de sa description faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses caractéristiques le différencient des autres hommes. Seul l'ignorant auquel le malheur a été destiné se laissera berner. Nous demandons à Allah le salut. Parmi ses caractéristiques, il y a qu'il s'agit d'un homme, jeune, brun, de taille courte, aux pieds varus, cheveux crépus, front dégarni, cou large, l'œil droit effacé, ni proéminent, ni enfoncé. Mais ressemblant à un raisin apparent tandis que son œil gauche est couvert d'une couche épaisse. Entre ses yeux est écrit « Ka-fa-ra » en lettres espacées, ou « Kafir » sans espace. Tout musulman sera capable de les lire, alphabet soit-il ou non. Il est également stérile et ne peut avoir d'enfant. Voici quelques hadiths authentiques mentionnant ces descriptions précédentes, qui sont d'ailleurs les preuves de sa venue. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tandis que je dormais, je me vis tourner autour de la Kaaba. » Il mentionna avoir vu Isa ibn Maryam et ensuite le faux messie et se mit à le décrire en disant « C'est alors que je vis un homme gros, brun, cheveux crépus, borgne, son œil comparable à un raisin apparent. » Ils dirent « L'homme qui ressemble le plus à ce faux messie est Ibn Qatan, un homme de Khuza'a, rapporté par Al-Bukhari. » Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam évoqua la sortie du faux messie parmi les gens et dit « Certes, Allah, pureté à lui, n'est pas borgne, tandis que le faux messie est borgne de l'œil droit. Son œil ressemble à un raisin apparent. » Rapporté par Al-Bukhari. An-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu an, rapporte que parmi la description que fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam du faux messie, il dit C'est un jeune aux cheveux crépus, son œil est apparent, il me paraît ressembler à Abd al-Uzza ibn Qattan. Rapporté par Muslim. Ubada ibn Samit, radiyallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Certes, le faux messie est un homme de taille courte, aux jambes espacées, aux cheveux très crépus, borgne, l'œil effacé, ni enfoncé, ni proéminent. Si le doute vous envahit, sachez alors que votre Seigneur n'est pas borgne. Rapporté par Abu Daoud. Abu Huraira, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Quant au messie de l'égarement, il est borgne, a le front dégarni, le cou large et est un peu courbé. Rapporté par Ahmed dans son Mousnad. Hudhayfa, radiyallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le faux messie est borgne de l'œil gauche et a la chevelure abondante. Rapporté par Muslim. Anas, radiyallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et entre ses yeux, il est écrit « Kafir ». Rapporté par Al-Bukhari. Et dans une autre version, puis il l'épela, kafara. Tout musulman le lira. Rapporté par Muslim. Et dans une version rapportée par Hudhayfa, radiallahu an, tout croyant le lira, qu'il soit alphabète ou analphabète. Cette écriture est réelle et doit être comprise au sens premier. Le fait que certaines personnes verront cette écriture et d'autres pas, et le fait que l'analphabète la lira ne pose pas problème, vu que la capacité de vision est une chose créée par Allah Azawajel pour le serviteur quand il le veut et quand il le veut. Ainsi, le croyant la verra de ses propres yeux, même s'il ne sait pas lire. Par contre, le mécréant ne la verra pas, même s'il sait lire, car aussi vrai que le croyant voit les signes avec les yeux de sa clairvoyance, le mécréant, lui, ne les voit pas. Ainsi, Allah Azawajel créera pour le croyant la faculté de comprendre sans apprentissage, puisqu'en ce temps, les choses seront extraordinaires. L'imam al-Nawawi rahimahullah dit « La vérité à laquelle se rattachent les vérificateurs est que cette écriture est telle qu'elle, c'est une écriture réelle. Allah Azawajel en a fait un signe parmi les signes clairs de son incroyance, son mensonge et son imposture. Allah, subhanahu wa ta'ala, la montrera à chaque musulman, alphabète et analphabète, et la dissimulera à ceux pour qui il désire la peine et le trouble, aucun empêchement à cela. » Fatima bin Qais, radiallahu anha, rapporte le récit de l'espionne, Al-Jassasa. Elle relate que Tamim, radiallahu anha, dit « Alors, nous partîmes à la hâte jusqu'à entrer dans le cloître et voilà que s'y trouva la personne la plus incroyable que l'on ait vue et la plus fortement enchaînée. » Rapporté par Muslim. Amran ibn Hussein, radiallahu an, rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « De la création d'Adam jusqu'à la venue de l'heure, il n'y a d'être qui sera plus grand que le faux messie. » Rapporté par Muslim. Quant au fait que le faux messie est stérile, cela est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu an, dans son récit avec Ibn Sayyad. Celui-ci demanda à Abu Sa'id « N'as-tu pas entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il ne peut enfanter ?» et lui de répondre « Si. » Rapporté par Muslim. On remarquera dans ces textes précédents que certains décrivent qu'il est borgne de l'œil droit, tandis que d'autres parlent de l'œil gauche. Toutes ces versions sont authentiques, ce qui pose problème. L'érudit Ibn Hajar, rahimahullah, estime que le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et décrivant qu'il est borgne de l'œil droit, est plus fort que la version de Muslim qui décrit qu'il est de l'œil gauche. Car le point dont l'authenticité est sujet d'accord est plus fort qu'un autre. Al-Qadi Iyad, rahimallah, pense quant à lui que les deux yeux du faux messie ont un défaut, car les versions sont toutes authentiques. Ainsi, l'œil effacé est celui duquel il est complètement borgne, avec lequel il ne voit plus rien. Il s'agit de l'œil droit, comme cela est mentionné dans le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhuma. L'œil gauche est celui sur lequel il y a une couche épaisse. Cet œil a également un défaut. Il est donc borgne de l'œil droit, mais aussi du gauche. Les deux yeux présentent un défaut, l'un est totalement mort et l'autre est défectueux. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, dit concernant cette conciliation, elle atteint l'excellence. C'est l'avis que fait prévaloir Abu Abdillah al-Qurtubi. Le faux messie était-il vivant et était-il présent à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Avant de répondre à ces deux questions, il nous faut absolument analyser le cas d'Ibn Sayyad. Est-il le faux messie ou est-ce un autre? Et si le faux messie est un autre qu'Ibn Sayyad, existe-t-il avant de se manifester avec ses troubles ou pas? Ibn Sayyad s'appelle Safi, ou Abdallah Ibn Sayyad, ou Sa'id. Il était des juifs de Médine. On dit aussi des Ansar. Il était encore jeune lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine. Ibn Kathir, rahimahullah, mentionna qu'il avait embrassé l'islam et que son fils Umara était l'un des plus nobles tabi'in de qui l'imam Malik, rahimahullah, et d'autres ont rapporté beaucoup de hadiths. L'érudit Ibn Hajar, rahimahullah, cite dans Al-Isaba cette parole d'Al-Zahabi. Parmi ses enfants, il y a Umara ibn Abdullah ibn Sayyad. Il faisait partie des meilleurs musulmans parmi les compagnons de Sa'id ibn al-Musayyib, Malik et d'autres ont rapporté de lui des hadiths. Certes, Ibn Sayyad était un imposteur. Parfois, il agissait en devin prévoyant certaines choses et parfois, il mentait. La rumeur à son sujet se propagea parmi les gens sur le fait qu'il était le faux messie, comme nous le verrons ci-après en parlant du test que lui fit passer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le test que lui fit passer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la rumeur concernant Ibn Sayyad se propagea parmi les gens, à savoir qu'il était le faux messie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulut savoir ce qu'il en était et clarifier son cas. Il se rendit auprès de lui en cachette pour qu'Ibn Sayyad ne le remarque pas dans l'espoir d'entendre quelque chose de sa part. Aussi, il lui adressa des questions susceptibles de le dévoiler. Ibn Umar, radiyallahu anhuma, rapporte que son père, Omar, se rendit en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec un groupe auprès d'Ibn Sayyad. Ils le trouvèrent en train de jouer avec des enfants près du fortin des Banu Marala, tandis qu'il était proche de la puberté. Celui-ci ne s'en rendit pas compte jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, frappa de la main disant à Ibn Sayyad « Témoignes-tu que je suis le messager d'Allah ?» Ibn Sayyad le regarda alors et dit « Je témoigne que tu es le messager des illettrés. » Ibn Sayyad demanda ensuite au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Témoignes-tu que je suis le messager d'Allah ?» Alors, il se détourna et dit « Je crois en Allah et en ses messagers. Que vois-tu ?» lui demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Sayyad de répondre « Ce qui me vient est juste et mensonger. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'affaire t'est confuse. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite « Je t'ai caché quelque chose. » Ibn Sayyad dit répondre « C'est ad-dour, qui veut dire la fumée. » « Assis, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux aller au-delà de tes limites de devin. » Omar demanda alors « Laisse-moi, ô messager d'Allah, lui trancher la tête. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « S'il s'agit bien de lui, du faux messie, tu n'auras aucun pouvoir sur lui. Si ce n'est pas lui, il n'y a aucun bien pour toi à le tuer. » Rapporté par Al-Bukhari. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Que vois-tu ? » Il répondit « Je vois un trône sur l'eau. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Tu vois le trône d'Iblis sur la mer, et que vois-tu d'autre ?» Il dit « Je vois des choses vraies et un mensonge, ou des choses mensongères et une vérité. » Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire « Les choses lui sont confuses, laissez-le. » Abu Dhar, radiyallahu anhu, rapporte « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'envoya auprès de sa mère en me disant « Demande-lui combien de temps elle l'a porté. » Je me rendis auprès d'elle et lui demandai. Elle répondit « Je l'ai porté durant 12 mois. » Il m'envoya une nouvelle fois auprès d'elle en me disant « Interroge-la au sujet du cri qui l'a poussé à l'accouchement. » Je retournai donc chez elle et l'interrogeai. Elle dit « Il poussa le cri d'un enfant d'un mois. » Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit à Ibn Sayyad « Je t'ai caché quelque chose. » Il dit « Tu as caché la corde d'une brebis grisâtre et ad-dukhan. » Il essaya alors de dire ad-dukhan, mais n'y arriva pas. Il disait ad-dur, ad-dur. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le testa avec ad-dukhan pour éclaircir son cas. En fait, il est question du verset suivant « Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin » Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. Surat ad-dukhan, verset 10. Ibn Kathir, rahimahullah, dit « Ibn Sayyad obtient des informations à la méthode des devins d'après les dires des djinns qui tronquent les mots. C'est pour cela qu'il dit « Il s'agit de ad-dur » au lieu de ad-dukhan. » Dès lors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam connut sa source, à savoir qu'elle est démoniaque, et lui dit « Assis, tu ne peux aller au-delà de tes limites. » Sa mort. Jabir, radiyallahu anhu, rapporte « Ibn Sayyad nous quitta le jour d'Al-Harra. » Ibn Hajar, rahimahullah, a authentifié cette information et jugé faible l'avis de ceux qui disent que ce dernier est mort à Médine, qu'ils découvrirent son visage, puis accomplirent sur lui la prière mortuaire. Ibn Sayyad est-il le faux messie ? En tenant compte de ce que nous avons vu et du test que lui fit passer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, On peut dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas prononcé sur le cas d'Ibn Sayyid, car il n'avait pas reçu de révélation lui disant s'il était le faux messie ou non. Omar, radiallahu anhu, avait l'habitude de jurer en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Ibn Sayyid était le faux messie, sans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne proteste. Certains compagnons étaient de l'avis de Omar, jurant qu'Ibn Sayyid était le faux messie. Et cela est rapporté de Jabir, d'Ibn Omar et d'Abu Dhar. En revanche, certains savants sont d'avis qu'Ibn Sayyid n'est pas le faux messie, prenant comme argument le hadith de Tamim al-Dari, rapporté par Muslim, où Amir ibn Sharahil al-Sha'bi questionna Fatima bin Qais, la sœur d'Ad-Dahaq ibn Qais, elle était parmi les premières à avoir émigré. Il rapporte qu'elle dit « J'entendis le cri du héros du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, appelé à la prière en groupe. Je sortis me dirigeant vers la mosquée et je priais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je me trouvais dans le rang des femmes qui vient après celui des hommes. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut terminé sa prière, il s'assit sur sa chaire en riant et nous dit « Que chacun demeure à l'endroit où il a prié. » Puis il dit « Savez-vous pourquoi je vous ai rassemblés ?» Ils répondirent « Allah et son messager savent mieux. » « Par Allah, dit-il, je ne vous ai réunis ni pour une exhortation, ni pour un avertissement. Au contraire, je vous ai rassemblés, car Tamim ad-Dari, qui était chrétien, a prêté serment et embrassé l'islam. Il m'a conté un récit confirmant ce que je vous avais dit au sujet du faux messie. Il m'a raconté qu'il était monté à bord d'un navire en compagnie de 30 hommes de l'Arm et Juhdem. Les vagues les ballottèrent en mer un mois durant, puis échouèrent sur une île en pleine mer. Ils restèrent dans le navire jusqu'au coucher du soleil, puis s'installèrent sur les barques du navire et débarquèrent sur l'île. Vint alors à leur rencontre une bête tellement velue qu'on ne distinguait même pas la tête de la croupe. Ils s'écrièrent « Malheur à toi, qu'es-tu donc ?» Et elle de répondre « Je suis l'espionne. » Ils reprirent « Et qu'est-ce donc que l'espionne ?» Elle dit « Ô Jean, allez donc trouver cet homme dans ce cloître, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. » Lorsqu'elle nous désigna l'homme, dit-il, nous craignâmes qu'elle ne soit une diablesse. Alors, nous partîmes à la hâte jusqu'à être entrés dans le cloître, et voilà qu'on y trouva la personne la plus incroyable que l'on ait vue, et la plus fortement enchaînée, les mains attachées au cou et des fers entravant ses genoux jusqu'aux chevilles. Nous lui demandâmes, « Malheur à toi, qui es-tu ? » Vous êtes capable de me donner des informations, dites-moi donc qui êtes-vous ? Nous sommes des Arabes, nous avons pris la mer quand elle était déchaînée, et les vagues nous ont ballottés pendant un mois avant de nous échouer sur ton île. Nous nous installâmes sur les barques de notre navire, puis nous débarquâmes sur l'île. Nous rencontrâmes une bête tellement velue qu'on ne distinguait même pas la tête de sa croupe. Nous lui demandâmes « Malheur à toi, qu'es-tu donc ?» Et elle de répondre « Je suis l'espionne. » Nous demandâmes « Et qu'est-ce donc que l'espionne ?» Elle nous dit « Allez trouver cet homme dans le cloître, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. » Nous partîmes donc précipitamment à ta rencontre et prîmes peur d'elle. On ne pouvait être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une diablesse. Informez-moi au sujet de la palmeraie de Baysan. Que veux-tu savoir à son sujet ? Je vous questionne au sujet de ces palmiers. Sont-ils encore productifs ? Oui. Bientôt, ils ne donneront plus de fruits. Informez-moi au sujet du lac de Tibériade. Que veux-tu savoir à son sujet ? Y a-t-il encore de l'eau ? Oui, ces eaux sont abondantes. Bientôt, ces eaux disparaîtront. Informez-moi au sujet du puits de Zourar. Que veux-tu savoir à son sujet ? Y a-t-il encore de l'eau dans le puits ? Et ses habitants irriguent-ils encore leur terre de son eau ? Oui, ses eaux sont abondantes, et ses habitants utilisent encore son eau pour l'irrigation. Informez-moi au sujet du prophète des illettrés. Qu'a-t-il fait ? Il est parti de la Mecque et s'est établi à Yathrib. Les Arabes l'ont-ils combattu ? Oui. Qu'a-t-il fait d'eux ? Et nous de l'informer qu'il avait dominé tous les Arabes qui étaient à sa portée et lui ont obéi. Cela est-il arrivé ? Oui. En fait, cela est préférable pour eux de lui obéir. Je vais vous dire qui je suis. Je suis certes le Messie et j'aurai bientôt l'autorisation de sortir, alors je me manifesterai. Je parcourrai la terre et il n'est pas cité dans laquelle je n'entrerai. Et ce durant 40 nuits, si ce n'est la Mecque et Taïba, car elles me seront toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrais entrer dans l'une d'elles, Un ange viendra à ma rencontre, un sabre dégainé en main pour m'en repousser, et chaque quartier de la ville sera gardé par des anges qui la protègent. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, frappant de son bâton sur la chair, dit « Celle-ci est Taïba, celle-ci est Taïba, celle-ci est Taïba », c'est-à-dire Médine. « Ne vous avais-je pas entretenu de tout ceci ?» Les gens répondirent alors « Si !» Ce qui m'a plu dans le récit de Tamim, reprit-il, c'est qu'il confirme le récit que je vous avais raconté, également à propos de Médine et de la Mecque. N'est-il pas dans la mer du Chem ou dans la mer du Yémen? Non, mais plutôt du côté de l'Orient, du côté de l'Orient, du côté de l'Orient. Et il désigna l'Orient de sa main. Fatima termine. Voilà ce que j'ai retenu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Muslim. Ibn Hajar rahimahullah dit: certains pensent que le hadith de Fatima bin Qais est une information rapportée par une seule personne, mais ce n'est pas le cas, car en plus de Fatima bin Qais, l'ont rapporté Abu Huraira, Aisha et Jabir, radiyallahu anhum. Les avis des savants concernant Ibn Sayyad. L'imam al-Bayhaqi, parlant du hadith de Tamim, dit: on y trouve que le grand imposteur qui sortira à la fin des temps est un autre qu'Ibn Sayyad. Ce dernier est l'un des imposteurs et menteurs dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur apparition, et la majorité d'entre eux sont apparus. On peut penser que ceux qui affirment qu'Ibn Sayyad est le faux messie n'ont pas entendu le récit de Tamim. Sinon, la conciliation entre les deux informations est très contestable, car comment pouvait-il être sur le point d'atteindre la puberté du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'ailleurs, il l'a rencontré et l'a questionné. Et être âgé, emprisonné dans une île en pleine mer, enchaîné par des liens de fer, et cherchant à savoir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était apparu ou non. Le plus logique est qu'ils n'ont pas été au courant. Quant à Omar, on peut supposer qu'il faisait cela, jurer qu'Ibn Sayyad était le faux messie, avant d'entendre l'histoire de Tamim. Puis, quand il l'a entendu, il ne jurait plus. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: le cas d'Ibn Sayyad a posé problème pour certains compagnons. Ils ont pensé qu'il était le faux messie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'était pas prononcé jusqu'à ce qu'il se soit assuré par la suite qu'il n'était pas le faux messie, mais de la catégorie des devins, de ceux dont le cas est diabolique. C'est pour cela d'ailleurs qu'il l'a testé. Ibn Kathir, rahimahullah, dit: en bref, Ibn Sayyad n'est pas le faux messie qui sortira sans le moindre doute à la fin des temps, sur la base du hadith de Fatima bin Qais, qui est un argument décisif à ce niveau. L'endroit de l'apparition du faux messie. Le faux messie apparaîtra du côté de l'Orient, de Khurasan, d'un quartier juif d'Ispahan. Alors, il parcourra la terre et ne laissera de cité sans y entrer, à l'exception de la Mecque et de Médine, dans lesquelles il ne pourra pas entrer car des anges les protègent. Dans le hadith précédent de Fatima bin Qais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet du faux messie: n'est-il pas dans la mer du Chem ou dans la mer du Yémen? Non, mais plutôt du côté de l'Orient, du côté de l'Orient, côté de l'Orient. Et il désigna l'Orient de sa main. Rapporté par Muslim. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le faux messie sortira d'un territoire en Orient que l'on appelle Khurasan. Anas, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le faux messie sortira du quartier juif d'Ispahan. Il y aura avec lui 70 000 juifs. Ibn Hajar, rahimahullah, dit: quant à savoir d'où il sortira, c'est du côté de l'Orient de manière catégorique. Ibn Kathir, rahimahullah, dit: ainsi, son apparition débutera à Ispahan, d'un quartier que l'on nomme la Juive. Le faux messie n'entrera ni à la Mecque, ni à Médine. Il sera interdit au faux messie d'entrer à la Mecque et Médine lorsqu'il se manifestera à la fin des temps, sur base des hadiths authentiques mentionnant cela. Quant aux autres villes, le faux messie y entrera l'une après l'autre. Dans le fameux hadith de Fatima bin Qais, radhiyallahu anha, le faux messie dit: alors je me manifesterai, je parcourrai la terre et il n'est pas de cité dans laquelle je n'entrerai, et ce durant 40 nuits, si ce n'est la Mecque et Taïba, car elles me seront toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrais rentrer dans l'une d'elles, un ange viendra à ma rencontre, un sabre dégainé en main, pour m'en repousser, et chaque quartier de la ville sera gardé par des anges qui la protègent. Il est également établi que le faux Messie n'entrera pas dans quatre mosquées. La mosquée sacrée, la mosquée de Médine, la mosquée de Tours et la mosquée de Jérusalem. Junada ibn Abi Umayya al-Azdi relate « Je partis en compagnie d'un homme parmi les Ansar pour rencontrer l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous dîmes, raconte-nous ce que tu as entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire au sujet du faux Messie. » Il fit son récit et dit « Et il demeurera sur terre 40 matins, durant lesquels il atteindra toute source, mais n'approchera pas quatre mosquées. La mosquée sacrée, la mosquée de Médine, la mosquée de Tours et la mosquée éloignée, en faisant référence à la mosquée de Jérusalem. » Quant au hadith se trouvant dans les deux recueils authentiques, relatant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un homme aux cheveux très crépus, borgne de l'œil droit, posant sa main sur les épaules d'un autre homme, en train de faire la circumambulation autour de la Kaaba, qu'il demanda qui il était et qu'on lui répondit que c'était le faux Messie, à ce propos, l'on répond que le faux Messie sera empêché d'entrer à la Mecque et à Médine lors de son apparition à la fin des temps. Et Allah Azawajel sait mieux. Les partisans du faux Messie. La plupart des partisans du faux Messie font partie des Juifs, des non-Arabes, des Turcs et d'autres dont la majorité sont des campagnards et des femmes. Anas ibn Malik, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Suivront le faux Messie 70 000 Juifs parmi les Juifs d'Ispahan qui porteront les Tayalisa. » Tayalisa, genre de voile de tête que l'on porte sur un turban. Dans une autre version de l'imam Ahmed, rahimahullah, 70 000 qui porteront des couronnes. Dans le hadith d'Abu Bakr qui a précédé, le suivront des gens dont les visages sont comparables aux boucliers martelés. Ibn Kathir, rahimahullah, dit, il apparaît, et Allah Azawajal est plus savant, que ceux qui sont désignés ici sont les Turcs qui seront les partisans du faux Messie. Il y aura également des non-arabes comme ils ont été décrits dans le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu an. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous combattiez Khouz et Karman, parmi les non-arabes. Ils ont le visage rouge, le nez écrasé, des petits yeux, leur visage est comparable à un bouclier martelé, leurs chaussures sont faites de poils. Quant au fait que la majorité de ces partisans seront les campagnards, cela est dû au fait que l'ignorance est plus courante chez eux. Comme cela est rapporté dans le long hadith d'Abu Umama, radiyallahu an, et parmi ses troubles, il dira au Bédouin, « Vois-tu, si je ressuscite ton père et ta mère, attesteras-tu que je suis ton seigneur ?» Il dira, « Oui. » C'est alors que deux démons se manifesteront sous la forme de son père et de sa mère en disant, « Ô fils, suis-le, car il est ton seigneur. » En ce qui concerne les femmes, leur cas est plus grave que celui des campagnards, car elles sont facilement influençables et l'ignorance est courante chez elles. Ibn Omar, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le faux Messie s'installera dans ce marais, Amar Qannat. La plupart de ceux qui sortiront pour le rejoindre seront les femmes, au point qu'un homme s'en retournera chez sa proche et chez sa mère, sa fille, sa sœur et sa tante, puis les attachera avec des liens de peur qu'elles ne le rejoignent. »